La maison d'édition Près le Parti du Travail de Corée a fait paraître les affiches illustrées consacrées au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Sur la partie supérieure des affiches, on a écrit 105e anniversaire de naissance du camarade Kim Il-sung, grand leader. Les affiches représentant la maison natale de Kim Il-sung à Mangyongdae, la colline Mangyong et le Kim Il-sungien fleur d'honneur avec le soleil brillant à l'arrière-plan, et portent aussi les mots « Journée du soleil » et « Célébration ».